Let's get it. Pas d'humeur à être sur la piste. Je t'aime pas si t'es écrit sur ma liste. J'ai laissé mon cœur sur le rue qui pue la pisse. Ah, je dors pas mais je suis couche. Les derniers jours avec ma mère, je pouvais pas la toucher. J'y croyais pas un goût amer, j'ai l'impression de louche. Je me vois la face, je vais rien savoir, j'ai les oreilles bouchées. Mais je survis, ma famille est l'amour de baby glitch. Le reflet de ma reine sur son visage. Faire le tour du monde avec, qu'est-ce que j'envisage? Ah, oh, oh là. La mélodie me touche, parle trop là. Aïe, vie sans ma maternelle, j'suis trop mal. Aïe, la mélodie me touche, parle trop là. J'fais que courir, mais j'suis essoufflé. Avant de mourir, moi j'aurais tout fait. Fais-moi sourire et dis-moi que tu m'aimes. Pour les autres j'ai changé, mais pour toi je suis le même. Maman, où t'es? J'ai besoin de toi. Tes yeux pour me repérer, tes mains pour me relever. De toi je fais que rêver, je t'aime jusqu'à en crever. Je sais que tu me parles à travers ta petite fille. Regarde, ils m'en veulent, oui je sais, laisse. Yeah. Ah, t'écoutes les autres, c'est relou. À la base on est ensemble mais t'es devenu chelou. J't'ai vu péter les plombs tout ça pour un putain de zodou. Quand j'avais les poches vides, la bibi me faisait les yeux doux. Poule, aïe, si tu te sens chaud, négro poule. Aïe, viens qu'on s'explique comme des bonnes. Aïe, maîtresse mon salaire remplace les bonnes. C'est ce qu'on s'était dit. Je te protégeais à demain mon fils. À mon réveil, je ne t'ai pas revu. Je suis vivant, mais ton absence me tue. Mama. Oh, oh. Mama. Ouh. Mama. Ouh, ouh, ouh, ouh. Mama. Yeah.